Yeah. Ce soir j'achèterai un flash avant que mon cœur se fâche. J'ai besoin que mon cœur se lâche avant que mon cœur ne lâche. Contre moi-même je suis en clash. Je laisserai le Jack Miel sucrer mon sang. Dans peu de temps je n'ai plus de bon sens. Moi une gorgée, je tire une taf et j'inspire. Des doigts d'honneur, voilà tout ce que ça m'inspire. Je suis dans le doute, j'ai mal. J'ai ravalé toutes mes larmes. Et à la fin du concert, je me rappelle que le monde a le cancer et ça part en sucette. Donc j'achèterai un flash et je boirai cul sec. Car tu sais que parfois ça fait du bien quand tu saignes. Rien n'est jamais vraiment tombé du ciel. Rien n'est jamais vraiment tombé du ciel, mis à part la pluie et les bombes. Car l'eau n'a pas coulé sous les ponts. Donc on verra ce que le futur est bon. Pour l'instant je suis pas bien dans mes pompes. Yeah. Y'a un tas de choses que j'aimerais ne plus voir. Comme des fiches de pute au pouvoir. Sur les joues de la terre il ne cesse de pleuvoir. Tout niquer mon devoir avant les au revoir. Ce soir j'achèterai un flash et je m'allumerai seul chez moi. Demain j'allumerai un spliff pour calmer la gueule de bois. Bah les couilles j'niquerai mon foie. Ouais d'habitude il est rare que je tease. Mais ce soir c'est l'autodestruction que je vise. Parce que le monde est en crise. Parce que le monde est en crise. Putain. Ce soir j'achèterai un flash avant que mon cœur se fâche. J'ai besoin que mon cœur se lâche avant que mon cœur ne lâche. Contre moi-même je suis en clash. Chacun ses torts et chacun ses fautes. Ça n'arrive qu'aux autres et c'est la faute des autres. La vie est une chaîne à quatre pattes je la saute. Je verse deux trois gouttes pour les vies que les hommes ôtent. Parfois je rêve de caner. J'ai l'impression que j'en ai trop fait. Mais d'abord je veux tout gagner. J'ai pas encore tous les trophées. Donc je suis là pour des années. J'écris à cœur ouvert jusqu'au sang. Du mal à dire ce que je ressens. Je vis la nuit et le moment présent. Car le jour et le futur sont oppressants. Ce soir je dégomme un 50. Car la magie de la plante fera que mes pensées seront lentes. Car je ne veux plus qu'elle me hante. Ni que le chétan ne me tente. L'argent ne fait pas le bonheur. Pareil que c'est pareil pour la bulle. Mais donnez-moi un peu les deux. C'est clair je serai moins malheureux. Un malheureux, malheureux, malheureux. J'ai mal au crâne, mal au cœur, mal aux yeux. Ça me casse les couilles, sa mère j'ai mal aux deux. Glaçons dans le cœur, dans le regard j'ai du feu. Je suis dans le doute, j'ai mal. J'ai ravalé toutes mes larmes. Et à la fin du concert, je me rappelle que le monde a le cancer. Donc, ce soir j'achèterai un flash avant que mon cœur se fâche. J'ai besoin que mon cœur se lâche avant que mon cœur ne lâche. Contre moi-même, je suis en clash. Yeah. Donc, ce soir j'achèterai un flash. Yeah. Ce soir j'achèterai un flash. Putain.